franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. En direct du Mangin Palace, épisode 204. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 9 mai 2010, 11h06. Bonjour à toi, l'ami! Alors, avant tout, cette semaine, tu es soulagé de savoir que nous sommes prêts à affronter toutes les éventualités. Sécurité civile pour commencer. Ce matin, à Paris, a eu lieu une immense simulation. Les secours ont dû faire face à plusieurs faux attentats. Ça arrive souvent, ce genre de simulation ? Oui, la semaine dernière, on a tenté encore une plus impressionnante, un truc de fou. C'était quoi ? On a simulé qu'un Français retrouvait un emploi. Non. Ah, si, si. C'est bien d'être prêt à tout, mais vous croyez qu'un tel événement peut toucher la France ? Oh, il y a peu de chance. Mais si jamais ça arrive, on est prêt. Voilà, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeuse audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous passerons ce matin de la faillite du Grenelle au péril de la Grèce. Dans la foulée, justement, nous constaterons combien les dieux de la mythologie grecque sont au cœur de cette redoutable crise financière. Ensuite, nous atterrirons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques se sont envolés pour l'archipel des Philippines. Un trip historico-touristique que nous ausculterons ici d'une oreille pacifique. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où Jean-Claude a été chargé d'organiser un pot de départ en retraite, le dernier sans doute, puisqu'il n'y aura plus de retraite désormais. Et puis, nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter, et ce matin, nous t'offrirons la définition d'une expression de caviste, le pot de vin. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une curieuse mais authentique revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et à la rigueur, préfère toujours le plaisir. Take a ride with me now. See you. water pumped straight through my broken nose. I put it in your hand, the aroma of the rose. I'm skinny and I'm small, but my life is long and straight. Do way too long, baby. Take a ride, viens faire un tour, c'est ce que nous proposent les petits Frenchies de Maytay Show. Et justement, mets tes sockets de sportif car aujourd'hui s'ouvre le tour d'Italie. En ce mois de mai 1960, c'est avec la ferme intention de sortir de la nuit au plus vite que Jacques Anquetil se présente au tour d'Italie. À l'arrivée, le Français compte 28 petites secondes d'avance sur Nencini. Le Giro est gagné. Pour la première fois dans l'histoire du cyclisme, un Français vient de remporter l'épreuve du Giro. Jacques Anquetil est venu et une nouvelle fois, il a vaincu. Il est venu et il a vaincu. C'est au moins le mot d'ordre d'une soirée des Bleus au Macumba Club. Enfin bref, puisqu'il est 11h11, le plus sage sans doute, c'est de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 204e épisode du Mangin Palace. Ainsi, ouvrons immédiatement notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, avec qui nous passerons ce matin de la faillite du Grenelle au péril de la Grèce. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Il est ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il s'appelle comment ton gars? Jean-Louis Borloo. Noël, ma mère ce matin dit que le Grenelle 2 est un astre mort, un champ de ruines, qu'il n'y a plus donc aucune énergie de ce que fut le Grenelle 1. Écoutez, ces propos sont tellement excessifs qu'ils sont déraisonnables. C'est l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité. Je sens bien qu'il y a une tentative de repolitiser les enjeux écologiques. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Le Grenelle 2, on va aller plus loin sur les bâtiments, plus loin sur les voitures électriques. Donnez-moi un coup sur le pare-brise. On va enfin avoir des corridors écologiques qui s'opposeront, des trames vertes. Des trames bleues. Peut-être que c'est pas vert, j'en sais rien. Des aires marines qui vont se développer. Bon ben, on a tiré le gros lot, nous. Et dire que le plan d'aide à la Grèce mis en œuvre dimanche... Je démarre là, ou quoi? ...était censé calmer les marchés. Ouais. On a vu hier ce qu'il en était. Tu vois, c'est un vrai désastre. Et avec un nouvel accès de fièvre sur les places financières... Merde! C'est quoi ce bordel? Ce matin, la bourse de Madrid a ouvert en forte baisse avant de se redresser. D'ailleurs, en Europe, les places boursières ont repris globalement du poil de la bête, mais ça reste très nerveux. Mais qui aurait cru que ce serait un drame? Qui? Qui? François Bayrou vous répond... Ah, oh, ça on sait jamais lorsque l'orage se forme à quel endroit tombera la foudre. Ça commence assez mal, mais continue. Mais c'est... ça peut vous être là, un c'est clocher... Une métaphore. Oh, merde. Ça peut être un rocher qui dépasse... Bon. En tout cas, ce qui se prépare au-dessus d'un certain nombre de pays européens... Ça alors ? C'est quelque chose qui va nous obliger à changer radicalement nos manières de penser, l'État... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et la politique dans notre pays. Voilà ce que je crois. Difficile à expliquer. Je peux vous poser une autre question ? Où étiez-vous passé, François Bayrou, depuis les régionales ? Eh bien, je pense qu'il y a des moments dans la vie où il est important de se taire. Tu veux pas t'arrêter de parler 5 minutes ? Ça évite de dire des bêtises. Trop tard. Dans ce contexte, François Fillon, lui, s'est voulu rassurant hier soir sur TF1. Ah, celui-là, c'est la meilleure. Les attaques spéculatives contre l'euro vont échouer, a dit le Premier ministre. La France devrait être épargnée par cette crise grecque. Il y a une petite chose qui me tourmente. François Fillon s'est aussi projeté dans un futur très proche et pas très rose. Allez, vas-y. Je connais déjà la fin. Coupe franche dans les dépenses publiques, écoutez. On va prendre des mesures qui seront des mesures difficiles. On va baisser la dépense publique, c'est-à-dire que c'est la dépense de l'État, des collectivités locales et sont les dépenses sociales. Je sens que ça va être ma fête. Ce qui se passe dans le reste du monde nous montre que quand on fait les réformes à temps... Et quand est-ce que tu as l'intention de faire ça? C'est cet effort de réforme qui fait qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont au même niveau s'agissant de la confiance qu'ils inspirent au marché. On est tombé sur des sournois. Et commentaire du Parti communiste ce matin, François Fillon met en scène un scénario à la grecque pour préparer l'opinion à un gigantesque plan de rigueur. J'ai tendance à me moquer des gens qui me fichent les chocottes. Et les chocottes, se sont aujourd'hui la richesse la mieux redistribuée vers les classes populaires, puisque le chaos hellénique alimente allègrement les angoisses d'un futur assez sombre. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a décidé d'ouvrir ce dossier afin de mieux comprendre les origines de ce grand désordre dans l'univers si parfait qu'est la zone euro. Et d'ailleurs, pourquoi le malaise est-il parti de la Grèce ? Eh bien, sache que face à l'incapacité des hommes à prendre raisonnablement en main leur propre destin, les dieux de l'Olympe ont repris du service. Ces humains que Prométhée a créés avec de l'argile se vautrent aujourd'hui dans la boue monétaire et Zeus, le boss de la bande, a voulu s'essayer à ce jeu qui plaît tant aux mortels. Oui, Zeus lui-même a voulu séduire la nymphe de la finance. Il y avait une nymphe, elle était très belle, et Zeus était très amoureux d'elle. Mais Hera, la femme de Zeus, elle se doutait bien de quelque chose. Tu vas voir, mon petit coco. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui ? Ah là là, qu'est-ce que j'en ai marre ! Allô, Helios, c'est Hera. Ah, salut Hera, comment ça va pour toi ? Bien, bien, c'est Zeus. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait quelque chose ? Oui, oui. Alors ? Non, non, rien du tout, il fait rien. Il parle juste à une blondasse, là, une espèce de gonzesse assise au bord de l'eau. Tu restes là et tu les quittes pas des yeux. Bah, je sais pas si j'ai le temps. Tu vas faire ce que je te dis, tu m'entends ? Bon, bon, d'accord, pas la peine de t'énerver. Mais c'est bien parce que c'est toi. Voilà, Zeus drague la nymphe de la finance au grand dam de sa femme Hera, la mère de Prométhée, qui, jalouse, décide alors de se venger. Hera veut donc punir les humains de donner autant d'importance à la nymphe de la finance et pour sa vengeance. Elle envoie sur Terre un héros qui va semer le trouble dans la vie des mortels. Car ce héros, bien coté à l'Argus, est un véritable panier percé. Je m'appelle Percé. Je suis l'héritier du royaume d'Argos. Par les dieux! Pourquoi est-ce que tout est à l'abandon ? Oh, c'est un signe des temps. Ce royaume est sous le coup d'une malédiction et la cité est au désespoir. Les dieux de l'Olympe sont mystérieux et leurs mobiles sont singuliers. Mais ma mère m'a dit qu'elle voulait que j'aille restaurer sa patrie. Et cette patrie à restaurer, c'est la Grèce qui connaît un déficit délirant. Bien que, si tu y regardes de plus près, il est à relativiser quand tu le compares au déficit américain ou japonais. Mais bon, les Grecs se trouvent à la fois sous la malédiction des dieux de l'Olympe et des spéculateurs. Et là, difficile de s'en sortir. Bon, bien sûr, les Grecs ont bien tenté de communiquer avec Zeus pour lui exposer l'ampleur du désastre à venir. Oh mon Dieu, c'est plus grave que nous le pensions. C'est extrêmement grave. Avec le temps qui passe, même les liens les plus solides se fragilisent. Bravo les gars, vous avez trouvé ça dans une pochette surprise ? Oh Zeus, le plus puissant des dieux, nous t'implorons. Nous demandons ton aide. Zeus, grand Zeus, entends-nous, entends-nous, nous crions chez toi. Ici Zeus, je suis absent pour l'instant, mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai dès mon retour. Parlez après le bip sonore, merci. Appelle dès que tu rentres, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, mais Zeus n'a toujours pas rappelé. Alors, en désespoir de cause, les Grecs se sont tournés vers les seuls qui peuvent apporter des éléments de solution pour sortir de la crise, les oracles, bien sûr. Ainsi, Georges Papandréou, premier ministre grec, s'est rendu à Delphes pour interroger la Pythie et ses copines afin de savoir comment éviter le krach. Y a-t-il pour un mortel un moyen d'affronter et d'abattre le kraken ? Le kraken est invulnérable. 100 hommes ne pourraient le combattre. Une armée ne réussirait pas à le tuer. Non. Nul n'est invulnérable. Il doit y avoir un moyen. Peut-être bien. Un seul moyen, mais un moyen encore plus dangereux que le Kraken lui-même. Dis-le-moi. La tête de Méduse, la Gorgone, un seul regard de la tête de Méduse, même morte, change aussitôt toutes les créatures en pierre, aussi colossales et puissantes qu'elles soient. Et son sang est un venin mortel. Un titan contre un titan. Mais il faut vaincre Méduse pour lui trancher la tête. Oui, tu n'as aucune chance. Qu'elle te la donne. Qu'elle t'en fasse cadeau. C'est aussi difficile et aussi dangereux que de vaincre une centaine de kraken. C'est ta seule chance contre le kraken. Voici le conseil donné par la Pythie il faut que Georges Papandréou s'adresse à Angela Méduse, qui détient dans cette épopée homérique d'effondrement du système monétaire quelques éléments de sortie de crise. Mais Georges Papandréou est vite confronté au mutisme d'Angela Méduse, qui ne veut pas donner un rond, cette fiéfée gorgone. Alors, il s'adresse à une autre puissance surnaturelle, en la personne de notre ministre des Finances, Christine Lagarde, pour savoir si elle accepte ou pas de donner un petit quelque chose pour sauver la Grèce. Mais bon, là aussi, l'entretien n'a pas été hyper chaleureux. C'est une histoire de fou, hein, un grec. Je m'étonne que vous ne soyez pas venu avec de la verdurie. Enfin, nous ne sommes pas susceptibles. Vous faites courir certaines plaisanteries où nous pourrions nous formaliser. Ah, je vous assure que je n'ai jamais entendu la moindre plaisanterie sur les Grecs. Moi, si. Être français n'est pas une excuse. Dis donc, vous n'avez jamais rien fait, non? Et qui nous a volé la Vénus des Milo? Et les frises du Parthénon? Ah non, les frises du Parthénon, ce sont les Anglais. Et je déteste aussi les Anglais. Eh ben dis donc, quand vous coincez un Turc, alors qu'est-ce que ça doit être? Oui, ben, avec la direction que prend la politique européenne, des Turcs, on n'est pas prêt d'en croiser à Bruxelles. Bref, Georges Papandréou pense avoir échoué dans sa quête pour sauver les finances publiques de la Grèce. Mais il ignore qu'à l'autre bout du monde, dans la nouvelle Olympe, Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, se préoccupe avec grande attention de la situation désastreuse de la Grèce. À mes amis, j'ai raconté mes ennuis. Les Grecs. Oui, je pars aujourd'hui, j'ai mon billet. Et comme ça leur plaît, me v'là sur le quai. Je vais faire un petit tour chez les Grecs. Et en effet, le FMI est venu faire un petit tour chez les Grecs pour apporter quelques 30 milliards d'euros d'aide. C'est toujours ça que les pays pauvres n'auront pas. Et du coup, les membres de la zone euro y sont eux aussi allés de leur coffre-fort. C'est super. Et voilà comment Dominique Strauss-Kahn a compris comment on devient aujourd'hui un héros. Bravo Hercule, t'es arrivé juste à temps. J'ai entendu Hercule. Hercule? Ça ne peut être qu'Hercule. Hercule? En chair et en os. Hercule! Hercule est venu! Il est venu! Hercule! Hercule! Hercule! Merci. Merci, mes amis. Merci. Et quel bonheur de savoir que des milliards vont être versés pour que la Grèce puisse rembourser sa dette à des banquiers, à coquiner aux spéculateurs qui ont mis la zone euro en danger. D'autant que tous ces gens charmants ont bien compris le système. S'enrichir en spéculant sur un pays pour ensuite être certain d'être remboursé, car les États vont payer. Alors, à qui le tour maintenant? À l'Espagne ou au Portugal? Il paraîtrait d'ailleurs que les spéculateurs sont déjà sur le coup. Deux traders devraient suffire en salle des marchés, en l'état des choses. Deux employés au back-office pour les règlements. Vous les prenez jeunes, légèrement requins, et vous les formez. Notre devise, le profit avant tout. Bien sûr, c'est tout à fait ma philosophie. Il parla ainsi. Et la vénérable Héra, aux yeux de bœuf, fut saisie de crainte. Et elle demeura muette, domptant son cœur altier. Et dans la demeure de Zeus, les dieux ouraniens gémirent. Ça se présente comment, les contrats échéances? J'aurais dû clôturer la position lundi à la première heure et assumer les pertes. D'accord, oublie. Au lieu de ça, j'avais attendu que le marché bouge. Il avait bougé, mais pas comme je voulais. Merde. Je me retrouvais avec un plus gros déficit que je devais passer sous silence. Certes, nos maux seront funestes et intolérables si vous vous querellez pour des mortels. Et si vous mettez le tumulte parmi les dieux, nos festins brillants perdront leur joie si le mal l'emporte, car l'Olympien est un terrible adversaire. We'll be right back. Maniac Lover, c'est le trouble obsessionnel d'Hillbilly Moon Explosion, les maniaques de l'amour. Je voulais proposer à Madonna, la Madone, puisqu'elle s'est séparée de Jesus, je veux lui dire Mado. Je suis disponible auprès de toi, t'inviter près de ma cheminée dans mon appartement chico-parisianiste. Voilà, cependant, je te demanderai une chose. Comme vous le savez, oui. D'avoir, Madonna, une hygiène irréprochable au niveau de tous tes contours et de ton intérieur intégral. Alors maintenant, après notre abyssale odyssée grecque, il est temps désormais à 11h27 d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Et ce matin, cap sur l'archipel des Philippines, où doivent se dérouler demain les élections présidentielles, législatives et locales de ce territoire hybride et unique où se mêlent depuis des siècles la culture asiatique, comme les arts martiaux, et les influences européennes importées par les Espagnols, comme la pelote basque, sport préféré des Philippins. Cela dit, la campagne électorale a été d'une violence inouïe, avec plusieurs dizaines de personnes assassinées par des milices privées que la présidente au pouvoir n'a pas vraiment cherché à démanteler. Cependant, écoute ce que nous rapporte sur l'histoire des Philippines notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions en mission spéciale, dans un pays étrange et méconnu. Pour être tout à fait franc, les Philippines font partie de ces pays dont on rêve parfois plus ou moins confusément, mais sans trop savoir exactement ce qu'ils sont, ni même parfois où ils se situent sur la carte. Alors, disons d'entrée de jeu que c'est une république du bout du monde, de l'autre côté du globe, dans l'océan Pacifique, entre la Chine au nord et l'Australie au sud, tout cela dit grosso modo bien sûr. C'est en tout cas un état grand comme l'Italie, mais cassé, morcelé, en plus de 7000 îles. Pendant que notre bateau dérivait, nous tentions de comprendre pourquoi ce pays que nous n'avions jamais vu nous paraissait si familier. Que s'est-il passé à partir du moment où Magellan a débarqué et où il a pris possession de l'île au nom de l'Espagne ? L'importance de cette présence de près de 4 siècles de l'Espagne est double. D'abord, elle a occidentalisé réellement ce petit morceau de l'Asie. Et je crois que sur l'échiquier dramatique du sud-est asiatique, cette petite case si peu connue que les Philippines tire son importance de ce pont qui a été établi entre l'Orient et l'Occident. Ce sont des Asiatiques qui vivent et pensent comme des Occidentaux. Le deuxième point, et qui a marqué cette présence espagnole, c'est la christianisation de cet archipel. Après, on a marché longtemps dans la forêt, et les histoires que l'on y entendait étaient de plus en plus bizarres. Alors, ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas, des Philippines, c'est qu'elle a passé 4 siècles au couvent et 1 siècle à Hollywood. La révolution de 1898 s'est finalement soldée par un rachat des Philippines par les États-Unis au traité de Paris en 1898. Et l'Espagne a vendu les Philippines pour 20 millions de dollars aux États-Unis et a donc frustré les révolutionnaires philippins qui avaient conduit une révolution victorieuse de leur désir légitime de liberté. Après les Américains, il y a eu le dictateur, Marcos, qui aimait bien inviter des vedettes pour se faire mousser. Les Beatles sont aux Philippines, ou plutôt, ils y étaient hier, car ils ont repris, je pense, l'avion pour regagner Londres. Oui, comme la reine Elisabeth d'ailleurs. Tout avait bien commencé à leur arrivée à Manille. Un public de choix les attendait sur l'aérodrome. La situation s'est gâtée à la première représentation. En effet, la sono était pourrie, comme on dit. La sonorisation était mauvaise. La voix des chanteurs ne parvenait pas au deuxième rang d'orchestre. Et en sortant de scène, les Beatles ont refusé de venir chanter devant l'épouse du président philippin. Ils ont regagné directement leur hôtel. La nouvelle de leur refus s'est répandue. Ils ont été hués. Et au bout de notre voyage, au cœur de la dictature, il y avait une femme, Corazon Aquino, qui avait un message à nous faire passer. Croyez-vous justement qu'il soit possible d'abattre une dictature comme celle de Marcos par la seule voie démocratique, c'est-à-dire celle des élections ? Ah oui, parce que je crois dans le pouvoir du peuple philippin. Et je suis sûre, je suis certaine que les Philippins maintenant sont très en colère contre M. Marcos. Et ça, c'est peut-être la première raison que je suis populaire. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous, parfois, vous craignez pour votre vie? Non, parce que je suis fataliste. Une fois rentrée, on a voulu en parler à la télé. Mais ils avaient d'autres chats à fouetter. TF1 va vous faire trembler ce soir, car il y a des chirurgiens qui opèrent à main nue, sans faire de plaies, sans laisser de cicatrices et sans faire mal. On les appelle les chirurgiens psy. Ils exercent cette étrange médecine loin d'ici, aux Philippines, à 100 km de Manille. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette étrange excursion au cœur des ténébreuses Philippines. Mais il est l'heure maintenant de filer un coup de manivelle au moteur de nos actualités locales et foutraques. Voici notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, rejoignons illico notre petit village fleuri où nous attendent Monique, la répartition, et Jean-Claude, la capitalisation. Car vois-tu, à Gros Boule-les-Bains cette semaine, il fut surtout question de la réforme des retraites, d'autant plus que mardi dernier, deux salariés sexagénaires de la boîte du Jean-Claude allaient enfin pouvoir profiter des plaisirs d'une vie plus paisible après 40 ans de labeur et de cotisation. Ainsi, mardi soir, il était prévu un double pot de départ en retraite que leurs collègues ont organisé, en prenant bien soin d'ailleurs de ne pas répéter les erreurs du pot de départ précédent. Tiens Jean-Claude, on parlait de... Tu te souviens du traiteur là, de Carole hein, pour son pot de départ? Tout à fait, dis donc, hey, qu'est-ce qu'on s'était mis derrière la cravate, c'était drôlement bon hein. Enfin, c'était infâme, Jean-Claude. Il y a eu 4 intoxications alimentaires. On aurait dû se méfier avec un nom pareil. C'était quoi? Jean Calude. Jean Calude. Tiens, c'est marrant parce que si on inverse le A et le L, ça fait Jean-Claude. Ah, c'est marrant. Ah bah dis donc, ouais. J'y avais jamais pensé. Bah moi non plus. Ah bah c'est tordant, ça. C'est rigolo. Je t'avais dit que cette arnaque, elle reviendrait sur le tapis avec tes conneries, on est dans la merde. Eh dis donc, je suis peut-être pas blanc-bleu, mais t'es gonflé parce qu'à l'époque, tu crachais pas sur le cash, hein. Un peu de pudeur. Oui, cet escroc de Jean-Claude en charge des pots de départ n'avait pas hésité la dernière fois à détourner la cagnotte destinée au buffet. Il n'empêche que ce fut encore lui, lundi dernier, qui fut chargé de récolter l'oseille pour offrir quelques cadeaux à Mademoiselle Fontaine et à Daniel Pichegru, les deux futurs retraités, bien heureux tous les deux de pouvoir encore bénéficier de ce système solidaire qu'on nous prédit en péril. Ainsi, mardi dernier, très efficace, Jean-Claude s'est mis à traquer les quelques rapias qui n'avaient pas encore craché la thune pour les cadeaux. Tiens, ça tombe bien, je te cherchais. J'ai une collègue pour le départ à la retraite de Mademoiselle Fontaine. Elle part après 37 ans de maison, tu comprends? Alors tous les tâches se cotisent pour lui payer un grand voyage. Ah ouais? C'est possible de faire un chèque? Penses-tu, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de participer. Là, j'ai pas mon chéquier sur moi. Tu repasses à mon bureau? Attends, je t'accompagne. Finalement, j'ai payé en liquide. Génial. Tu vois quand tu veux. Très persuasif quand il s'agit d'argent, Jean-Claude est en effet parvenu à ce que tout le monde refile un petit bifton pour participer au cadeau de ce départ en retraite de leurs deux collègues. Résultat des courses, 1 200 € récoltés, une somme bien rondelette. Et figure-toi que c'est également Jean-Claude qui fut chargé d'acheter les cadeaux. Alors, découvrons tout d'abord ce qu'il a choisi pour Mademoiselle Fontaine, cadeaux offerts bien sûr en compagnie de tous les salariés mardi soir lors du traditionnel pot de départ en retraite. Une éponge spéciale pour nettoyer les vitres. Oh, quelle bonne idée! Merci! Attendez de voir la suite. Oh, je suis gâtée. C'est magnifique. Vous n'êtes pas foulé, hein? Vous ne ferez pas les poissons avec? Si. Et voici vos nouveaux petits compagnons. Je me sens toute chose. Je m'attendais pas à un aquarium. Je m'étais dit tout bas que vous alliez m'offrir un voyage. Ah non, mais ne vous méprenez pas. Je préfère. Merci à tous en particulier et à chacun en général. Et enfin, merci à notre chère société qui m'a permis de rencontrer de petits beaux hommes. Oh, je vais les aimer sous ces petits poissons amicaux. Je vais leur donner vos noms, messieurs. Bien. Coût de l'aquarium et des poiscailles, 122,90 €. Comme à l'accoutumée, ce filou de Jean-Claude a récupéré sa commission avec un taux d'imposition à 75%. C'est alors que le président directeur général, lui aussi présent forcément, s'est fendu d'un joli discours à l'attention de Mademoiselle Fontaine, un patron soucieux de ses employés et qui les connaît si bien. Alors, chère madame, c'est quelques présents, n'est-ce pas ? Bien modeste, mais qui tout de même témoigne de cette amitié. Cette amitié, de cette franche camaraderie, qui porte. Qui porte énormément, qui nous porte, qui vous porte, Enfin, que tous vous témoignent, bien entendu. Un dernier mot, peut-être ? Bravo. Ouais, Mademoiselle Fontaine était surtout ravie de se casser et de profiter désormais d'une vie totalement hors de la sphère du travail. Et pourtant, sa pension de retraite sera ridicule, malgré 40 annuités à trimer. Ensuite est arrivé le tour de Daniel Pichegru, futur retraité lui aussi, ami et chef de service du Jean-Claude. Au passage, c'est Daniel Pichegru qui lui a refourgué toutes les ficelles du métier. C'est pourquoi Jean-Claude a beaucoup insisté pour prendre la parole lors de ce pot mardi dernier afin d'exprimer à son ami sur le départ toute sa gratitude. Dis-nous ce que tu penses de ces jeunes cons qui nous piquent nos jobs. Moi, ça m'a tout l'air d'être une conspiration. Enfin, bref, je voudrais te dire une chose en ce qui concerne la retraite. À la fin de sa carrière, si un homme peut regarder le chemin parcouru et dire « je l'ai fait, j'ai fait mon travail », il peut se retirer dans la gloire et jouir des richesses qui sont à 1000 lieues du monde monétaire. Alors, je demande à tous les jeunes ici présents de regarder attentivement un homme très riche. Assurément, Jean-Claude a prononcé un chouette discours et ce fut un véritable succès puisque tout au long de sa carrière, Daniel Pichegru fut très aimé des employés de la boîte. D'ailleurs, à l'occasion de son pot de départ, Daniel a souhaité lire en public les nombreuses lettres qui lui ont été adressées récemment avant qu'il ne parte en retraite et qui font état de son immense popularité. Ces centaines de lettres d'admirateurs en témoignent. Je vous en ai une au hasard. Daniel, tu es super, vive l'an 2000, vive la fiesta. Qu'est-ce que je vous disais, je n'invente rien. En voici une autre. Daniel, le service informatique te remercie d'avoir insufflé une telle ambiance de Saint-Sylvestre au pot de départ de Riffard qui avait pourtant très mal commencé. Une pure folie, merci beaucoup. Ça continue. Daniel, pourrais-tu me faxer le texte de l'histoire belge que tu as raconté hier à la cantine ? Il y était question de Tour Eiffel et de Compte à rebours. J'ai aussi un message de Christiane Floutard du service gestion des stocks. Daniel, comment fais-tu pour être aussi barré ? Je t'aime tout simplement. Daniel, tu es la fête, tu es la joie, tu es immortel, etc. Ah ben oui, ce Daniel Pichegru, c'est un ami du Jean-Claude. Cela dit, là encore, il ne s'est pas foulé pour le cadeau, puisque ce fut le modèle d'exposition d'un taille-haie, coût de l'opération 192,60 €. Du coup, le bas de laine amassé par Jean-Claude mardi soir se résume ainsi, 1200 moins 122,90 € pour Mademoiselle Fontaine, auquel il faut ôter les 192,60 € pour le taille-haie. Résultat, 884,50 € dans la poche du Jean-Claude. Merveilleux. Cependant, lorsque tout le monde s'est rué sur le buffet, Jean-Claude fut effrayé par tant de gabegies. Bon allez, mangez, servez-vous, sinon on jette. Toute cette débauche de buffet, ça doit coûter un fric fou, hein, alors qu'avec cet argent... De toute façon, on est dans un métier où on dépense beaucoup trop. Ah, merci. Oui, parce que moi, quand je dis ça, tout le monde me tombe dessus, comme quoi je suis radin. Mais pas du tout, c'est de l'anticonsumérisme, ça n'a rien à voir. C'est de l'anticonsumérisme. Ah mais absolument. Mais c'est exactement ça. Oui, mardi soir à la maison, Jean-Claude fut très fier d'annoncer à Monique que sa filouterie légendaire est avant tout de l'anticonsumérisme et qu'ainsi, il capitalise pour sa retraite. Oui, sauf que d'après Monique, il paraît qu'avec les intérêts de l'argent qu'on a prêté aux banques pour qu'elles sauvent leurs chemises, on pourrait aisément sauver notre système de retraite mis en place par le Conseil national de la Résistance. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le nombre de retraités du baby-boom ne cesse de s'accroître chaque jour et on ne sait plus qu'en faire. À l'heure actuelle, la France compte de plus en plus de retraités, de pré-retraités, qui, encombrant nos villes, encombrent nos vies. Il est important de ne pas les abandonner, mais bien au contraire, de les stimuler et de les faire vivre dans le partage. Et dans l'amour. Certainement. Alors, stimuler, ça veut dire stimuler toutes les fonctions, les muscles, hein, les faire travailler. Les fonctions neuronales. Les fonctions neuronales. Très important. Tout ça est très, très important. La gestuelle. La gestuelle, tout est important afin qu'ils ne se sentent pas mis à l'écart. Au contraire, ce temps supplémentaire, on vit de plus en plus vieux, c'est important également pour... Bon, alors c'est fini ou pas? Est-ce que c'est fini? Bon! Bien, après avoir pris conscience qu'en matière de réforme des retraites, l'urgence est avant tout à la cohésion et à la solidarité nationale, il est temps dès à présent à 11h43, toujours en direct du Mansion Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de M. Julien Dugast, l'expression qui compte triple pourrait être celle d'un caviste, à savoir le pot de vin. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il arrive ces temps-ci qu'on ait l'impression que la corruption gangrène sérieusement notre société. Charles Pasqua condamné, Pierre Mauroy renvoyé en correctionnel pour une affaire d'emploi fictif, Édouard Balladur empêtré dans une obscure histoire de sous-marin pakistanais. Bref, le pot de vin est-il plus hype que jamais ? Cette curieuse question méritait au moins une définition que nous offre ici ce matin M. Jean-Noël Jeannenet, historien et ancien patron du groupe Radio France. Ainsi, en compagnie de cet érudit qui s'est intéressé notamment à la corruption dans l'histoire, découvrons ensemble plus en détail et juste après la virgule ce que recèle un pot de vin. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Cinq consonnes et trois voyelles, pot de vin. J'ai lu dans le dictionnaire Robert que l'expression était attestée depuis 1586. L'expression parle d'elle-même. Il s'agit d'un avantage dissimulé que l'on apporte probablement par l'entrée de service à la cuisine à quelqu'un dont on souhaite qu'il prenne une décision qui ne soit pas animée uniquement par l'intérêt général, mais pour servir les avantages de celui qui lui apporte cette gourmandise. Êtes-vous un homme que l'on peut acheter ? Acheter, moi ? Vous me demandez si on peut m'acheter ? La réponse est non ! Est-ce que vous diriez que cette expression est d'actualité ou qu'elle a toujours été d'actualité ? Toute démocratie, tout régime à vrai dire, mais c'est plus choquant en démocratie, est toujours menacée par une donnée simple. C'est le fait que des fonctionnaires et des hommes politiques sont amenés constamment à prendre des décisions qui intéressent ou défavorisent des intérêts privés. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le plus souvent, ces décisions sont prises au nom d'une certaine idée, qu'à tort ou à raison, ces décideurs se font de l'intérêt général. Mais il peut arriver, c'est une tentation, que certains de ces intérêts, par des voies dissimulées, stipendient les acteurs et obtiennent par conséquent des décisions qui leur soient favorables. Et là, c'est tout le champ de la corruption qui doit être évidemment une préoccupation constante en démocratie, un danger constant. Que pensez-vous ? Des pots de vin. Des pots de vin. Oui, les pots de vin, les bakchich, les dessous de table. Les pots de vin. Il faut réfléchir, je pense, à la notion de scandale. Le scandale dépend en somme de trois facteurs, de trois critères. Il dépend de la capacité d'investigation d'abord. S'il y a une justice, s'il y a un journalisme efficace, ils vont aller trouver des faits qui seraient sinon restés cachés. Il dépend d'autre part du niveau de la tentation. Il y a des systèmes où se multiplient les décisions politiques ou administratives qui ont des conséquences privées. Quand on avait des autorisations, par exemple, d'importation, c'était une tentation plus grande quand il n'y en a plus. Puis enfin, le troisième critère, c'est le degré d'indignation. Autrement dit, les cas où l'opinion publique s'indigne ou ne s'indigne pas, parce qu'elle peut être résignée ou blasée, par exemple. Il ne faut pas oublier le côté illégal du pot de vin, sans perdre de vue que ça peut rendre des gros, gros services. Hein. Au 19e siècle, pour se borner au cas français, il y a eu des cas effectivement très fameux de corruption. Par exemple, à la fin de la monarchie de Juillet, Victor Hugo raconte dans ses choses vues, il était pair de France, le scandale qui a eu lieu lorsque deux ministres, Test et Cubière, ont été convaincus d'avoir pris des décisions, non pas au nom de l'idée qu'ils se faisaient de l'intérêt général, mais parce qu'on leur avait graissé la patte. Il y a eu aussi le cas tout à fait frappant, tout à fait topique, de l'entrée en guerre de Napoléon III au Mexique, où on sait que les intérêts privés de Morny, personnage très puissant du Second Empire, avaient été décisifs pour que cette décision fût prise. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Il y a toujours eu de la corruption. La difficulté, c'est d'en mesurer l'importance, le niveau, d'une part, et d'autre part, de ne pas l'exagérer. Vous savez, il faut se méfier quand on est un citoyen de dire tout se pourrit. C'est une rivière d'argent sale qui coule sous ce pont. Oui, mais le problème, c'est qu'il faudra bien expliquer tôt ou tard d'où vient tout ce fric miraculeux. Mais pour ça, il compte sur moi. Je canalise, je filtre, je centralise. Actions, titres, emprunts d'État non imposables. J'achète pour lancer cet argent dans le monde. Et quand il me revient... Il est aussi vierge qu'une jeune mariée. Blanchi. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X. Ce qui donne le mot... Oh, l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, avec Monsieur Jeannet, nous étions à l'instant dans l'aspect historique et théorique du pot de vin. Et il est essentiel de souligner à nouveau l'esprit de ces derniers mots, car loin de nous l'idée de condamner l'ensemble de la classe politique et de décréter le nauséabond tous pourris. Non, il faut savoir distinguer l'ivraie du bon grain, et d'ailleurs la justice le fait très bien. À ce propos, passons maintenant de la théorie à la pratique du pot de vin. Charles Pasqua n'ira donc pas en prison. C'est pas vrai. L'ancien ministre de l'Intérieur qui a une peine symbolique. Un an de prison avec sursis dans une affaire de malversation, celle de la Sofremie. Catastrophe, vraiment un désastre. Et il a été relaxé pour les deux autres, celle du casino d'Annemasse et celle du pot de vin extorqué à Alstom. Que peut-on ajouter de plus à cela? De cette façon, tout le monde est content, Pasqua et les juges parlementaires. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Coupable, mais pas au point tout de même d'envoyer le vieux lion en prison. J'ai une condamnation avec sursis. Justement, on parlait de vous. Je suis relaxé dans deux affaires. Les accusations de corruption ont disparu. Ouais, mais... Comment peut-on imaginer que je me sois laissé corrompre? Pardon. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin. Va renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Il y a le printemps qui chante. C'était Claude François en 1972 qui nous offrait une aubade au jaillissement de la vie à la belle saison. C'est le printemps, les cailloux sont en fleurs. J'entends le gazouillis des éléphants dans le feuillage des poteaux télégraphiques. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Rien, un petit calmant, t'as l'air d'avoir un peu de fièvre. Mais non, ça va très bien. Enfin, t'entends quand même le gazouillis des éléphants dans les poteaux télégraphiques. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel ? Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Eh bien Philippe, cette semaine, la presse n'a Dieu que pour les carnassiers, car c'est un fait. La zone euro est attaquée. We're under attack. Les spéculateurs s'en donnent à cœur joie et la crise financière menace. Président Sarkozy a d'ailleurs annulé aujourd'hui son voyage en Russie où il devait commémorer le 65e anniversaire de la victoire des Alliés en 1945. Car une nouvelle guerre commence, il faut vaincre le spéculateur. Et pour cela, je suis persuadé que notre président va se plonger aujourd'hui, juste après son jogging bien sûr, dans la lecture enrichissante du Chasseur français qui consacre en ce joli mois de mai sa une au carnassier. Un gros dossier de 40 pages intitulé « Carnassier, c'est parti !» Car le mois de mai sonne le retour de la traque de ces prédateurs aquatiques, une ouverture qu'il ne faut pas rater. Alors le Chasseur français nous donne plein de petits conseils pour choper ces carnassiers. Comment utiliser des stick baits ? Comment chasser le black bass ? Faut-il préférer le casting ou le spinning ? Je comprends rien. Voilà, des trucs de folie, je vous raconte même pas. Alors, bon, on apprend que l'idéal est de cumuler un leurre émettant signaux vibratoires et visuels. C'est un peu comme ça que Xavier a la chopé Tibérie. C'est un truc vibratoire. Tibérie. Oh là, terrible. 40 pages spéciales, Philippe, dans le Chasseur français où les grands de la zone euro... Moi, je connais mieux Tibéri. 40 pages spéciales dans le Chasseur français où les grands de la zone euro peuvent puiser quelques stratégies pour calmer les spéculateurs et mettre au pas le système financier qu'ils ont toujours soutenu. Bon, sinon, le Chasseur français nous donne les vrais bons postes pour attraper ces bestioles et leur pourrir la tronche. Par exemple, les îles et les îlots subaquatiques. Et oui, hein, Philippe, les paradis fiscaux, on nous avait pourtant juré qu'ils allaient disparaître. Bon, bah, ce sont toujours des lieux de prédilection pour les agissements des spéculateurs. Et là, justement, je me suis précipité sur Rustica Hebdo, qui nous parle pas tout à fait des paradis fiscaux, mais des parades efficaces contre les nuisibles. Même Rustica Hebdo nous offre cette semaine des conseils qui doivent pouvoir s'appliquer à la vermine de la finance. Par exemple, il faut miser sur la poudre. Oui, on sait, c'est tous des drogués, là, ces traders. Et Rustica nous conseille de leur offrir des lignes de poudre à ces gêneurs. À forte dose, ça les freine. On peut également utiliser des granulés au choix. Bon, voilà, Philippe. Hein, je vous dis, toute la presse cherche des solutions pour lutter contre ces opportunistes avides que sont les spéculateurs et pour aider les dirigeants européens réunis à Bruxelles pour un sommet de crise qui s'est achevé dans la nuit, là, de vendredi à samedi. Parce que face à une telle situation, l'Europe a besoin de tous les soutiens possibles. Et l'agence France Presse, justement, nous donnait jeudi dernier une piste qu'il va sans doute falloir creuser. Kirsam Ilyom Yinov, le président depuis 17 ans de la République russe de Kalmoukie, à l'ouest de l'Oural, donc en Europe, une petite république sur les bords de la mer Caspienne, affirme avoir rencontré des extraterrestres en scaphandre jaune, avec qui il aurait fait une gentille balade de quelques heures dans leur vaisseau spatial. Voilà, Philippe, c'est des gens comme ça qu'il nous faut pour sauver l'euro. Des gens qui osent, puis c'est ballot, parce que si M. Sarkozy avait été en Russie, ils auraient pu discuter. Enfin bon, écoutez, je vous dis tout ça, bon, c'est mon ressenti. Hein, mais quand j'entends aux informations que des spéculateurs attaquent des États pour s'enrichir au risque de mettre en faillite des pays entiers, je pense tout de suite à la patrie en danger. Ceux qui sont responsables de tout ça, faut les détruire, confisquer leurs biens et les empêcher de nuire sans condition. Parce que sous la jolie expression de menace systémique sur la zone euro, il faut entendre destruction d'emplois, désengagement des États et fragilisation des populations avec des vies brisées. Alors Philippe, dans ces moments-là, je lis Ouest France, qui nous offre cette semaine une magnifique illustration de ce que peut être une réaction de colère. Cette histoire se passe à Aunay-sur-Odon, dans le Calvados. Un type de 32 ans était très en colère contre son voisin qui, d'après lui, avait brisé son couple. Un peu comme un trader brise un pays. Et ce fier gaillard jaloux a décidé d'exprimer sa colère. Il a détruit la baraque de son voisin avec une tractopelle. Voilà, c'est vilain, mais efficace. Alors Philippe, quel magazine pensez-vous que les dirigeants européens ont feuilleté en fin de semaine pendant le sommet de crise à Bruxelles ? Le Chasseur français, Rustica Hebdo ou bien Ouest France ? Mais écoutez, moi je vais vous dire comment j'imagine ce sommet de crise. Hein. Les chefs de l'État sont réunis, ils étaient super en colère de voir leur monnaie attaquée de tous les côtés par des spéculateurs qui veulent juste se goinfrer. Ils voulaient tous prendre des tractopelles. Puis là, il y en a un qui a demandé « Ouais, au fait, c'est qui les spéculateurs ?» Alors ils se sont regardés, puis ils ont constaté, ils se sont dit « Bah, ah ben, c'est les gens de la finance, c'est la famille, quoi. » Et voilà. Et donc, le résultat est merveilleux. Le dispositif mis en place pour protéger la zone euro, c'est la possibilité pour la Commission européenne de s'endetter et de garantir les finances des États membres pour être sûr de pouvoir payer. Et puis, Philippe, malheur pour nous, car ce jour-là, tous ces grands dirigeants ont lu Santé Magazine, dont ils se sont inspirés. Car Santé Magazine donne tous les tuyaux pour maigrir par le bas. Que les carnassiers soient donc rassurés, le bas va payer. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 204e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange un Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Aux platines et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Et assisté aujourd'hui à la technique de Rémi Quincet et de Pierrick Monsigny. Merci beaucoup à vous deux. Je dis merci également à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais, Elsa Denac pour les Scuds. Merci à Thierry Dupin. Merci aussi à Olivier Lefaillère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mange un Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez récupérer l'émission dans quelques instants pour le podcast. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et son crumble. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain, bien sûr. Mais avant cela, rendez-vous samedi dans notre cellule de dégrisement, toujours à 11h sur France Inter, avec quelques aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.